Après des mois d'enquête au sein de l'IHU de Marseille dirigée par Didier Raoult, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé, l'ANSM, a publié ce mercredi 27 avril un rapport à charge révélant de graves manquements à l'éthique au sein de l'Institut. L'ANSM reproche à l'IHU de Marseille d'avoir ignoré pendant des années les règles encadrant des essais cliniques sur des patients. Les tenants et aboutissants de cette enquête seront au cœur de notre débat du jour. Au menu également de cette table ronde actualité, nous parlerons d'une pathologie encore mal expliquée, la narcolepsie. Nous irons également voir du côté de l'infiniment petit et de l'énergie quantique. Et enfin, nous retournerons nous installer au coin du feu pour graver des plaquettes de pierre avec nos ancêtres préhistoriques. Fin de partie à l'IHU, narcolepsie, énergie quantique et plaquettes préhistoriques, c'est le menu à volonté qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous accompagner dans cette table ronde actualité, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Mathilde Fontaise. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef du magazine Epsilon. Avec nous également Jennifer Carner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la créatrice de la chaîne YouTube Boneless Archéologie. Et enfin, nous sommes en ligne avec Philippe Pageot. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du magazine La Recherche. Mais avant de démarrer cette discussion, il est l'heure d'ouvrir les pages d'un autre journal aux colonnes bien garnies. Il s'agit du Journal des Sciences de la semaine. Et c'est avec vous, Natacha Triou, pour le Journal des Sciences. Bonjour. Bonjour Natacha. Antoine. Et on commence ce journal avec une étude parue dans la revue Journal of Clinical Oncology. En cancérologie, les femmes sont plus touchées que les hommes par les effets indésirables graves des traitements. Une équipe américaine a analysé les dossiers médicaux des participants de 200 essais cliniques sur des traitements anticancéreux. Chimiothérapie, thérapie ciblée et immunothérapie pour des cancers de tout type, excepté les cancers du sein ou de la prostate qui ont été exclus de cet examen. Alors cela représente une large cohorte. En tout, plus de 23 300 patients avec seulement 8 800 patientes, soit 38% de femmes. Alors selon leur analyse, les femmes présentent un risque accru de 34% de connaître des effets secondaires graves par rapport aux hommes, des séquelles indésirables de classe 3. 34% de ce risque, c'est un chiffre considérable. L'étude ne fournit pas d'explication sur une telle différence, mais elle interroge la façon dont sont menés ces essais cliniques. François Essinger est médecin interniste au Centre de lutte contre le cancer de l'Institut Paoli Calmette à Marseille. Il fait partie du comité d'éthique de l'INSERM et il est membre du Haut Conseil de Santé Publique. Il faut des études de cette nature qui nous disent, certes, l'efficacité est plus importante, mais si les effets secondaires sont encore plus importants, l'analyse de la balance des avantages et des inconvénients n'est peut-être pas très favorable. Donc ce type d'étude est très important puisqu'il va remettre en question des réflexions concernant le choix des traitements qu'on va proposer aux personnes et si certaines femmes atteintes de certaines pathologies présentent des effets secondaires importants, il est possible que nos arbitrages et nos propositions thérapeutiques soient modifiées. Et donc toute étude qui modifie nos options thérapeutiques, nos choix thérapeutiques et qui améliore l'optimisation de nos prises en charge sont des études qui sont les bienvenues. La vraie question centrale que l'on doit se poser, c'est pour quelles raisons les femmes ont-elles beaucoup plus d'effets secondaires important, hein, les classes 3, c'est vraiment des effets secondaires importants. Est-ce que cette différence que l'on observe, elle est liée à des différences biologiques entre les hommes et les femmes, ou si c'est des différences liées au genre, qui est la manière dont une personne de sexe féminin se comporte et perçue par les autres, et ainsi de suite. Vous voyez, par exemple, il y a une explication, je ne suis pas sûr que cet article ait soulevé, mais aujourd'hui, il y a un champ extrêmement important de la recherche en cancérologie qui porte sur le microbiote intestinal, c'est-à-dire que les bactéries que nous avons dans l'intestin sont susceptibles de moduler à la fois la fréquence d'apparition des maladies, les réponses thérapeutiques et les effets secondaires. Une femme est perçue différemment par les médecins. Il y a des études qui montrent que dans certains cas, elle est perçue de manière différente par les femmes médecins et par les hommes médecins. Il faut impérativement que cet article non seulement soit connu et bien entendu le fait qu'il bénéficie d'un éclairage de votre radio va le favoriser, mais que ça soit le début d'autres études plus explicatives qui nous donnent du sens. Et comme d'habitude, vous pourrez retrouver cette étude et toutes les études citées dans ce journal sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et comme chaque vendredi, nous mettons en avant une étude sortie des laboratoires français. Hier, dans la revue Scientific Reports, nous avons détecté 30 exocomètes. Ouais, des comètes qui orbitent autour de l'étoile Beta Pictoris. Alors, ce système planétaire est bien connu des astronomes, car Beta Pictoris est une étoile très jeune, de 20 millions d'années. À échelle astronomique, c'est un système planétaire qui vient de sortir de la maternité. Et c'est une étoile qui est très proche de nous, à 63 années-lumière. C'est un peu la banlieue de notre système solaire, et on peut donc l'observer facilement. En 1987, bien avant la détection de la première exoplanète, nous avons détecté dans ce système une exocomète. Aujourd'hui, les chercheurs du CNRS viennent d'en détecter 30. Ils ont été capables d'en mesurer la taille du noyau cométaire. Alors que la recherche exoplanétaire nous a plutôt habitués à de curieux mondes extrasolaires, à leur grande surprise, il se trouve que les exocomètes sont très similaires aux comètes de notre propre système solaire et qu'elles naissent probablement de la même façon. Alain Lecavalier des Étangs est chercheur CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris. Il est l'auteur principal de cette étude. Et bien là, le système planétaire, nous l'observons exactement par la tranche, ce qui fait que tous les objets qui orbitent autour de l'étoile, dans leur orbite, passent devant l'étoile. Et c'est ce que nous avons détecté, c'est justement le transit, le passage de ces comètes devant l'étoile. Alors ce que l'observatoire TESS de la NASA nous a permis de faire, ce n'est pas d'observer directement ces comètes, bien sûr, mais d'observer, de mesurer la luminosité de l'étoile sur des grandes périodes de temps, là ici plus de 150 jours. Et quand une comète ou même une planète passe devant l'étoile, eh bien il y a une faible diminution de la luminosité de l'étoile. La comète fait une petite ombre devant l'étoile et donc elle est un peu moins lumineuse pendant quelques heures. Et c'est ainsi qu'on a pu détecter les queues des comètes qui sont passées devant Beta Pictoris. Ces observations donc donnent une indication de la quantité de poussière qu'il y a dans la queue des comètes observées. Et à partir de travaux de simulation, nous sommes capables de remonter à partir des estimations de la quantité de poussière produite à la taille du noyau cométaire. Et c'est ce que nous avons fait pour ces 30 comètes, et ce qui nous a permis de voir qu'il y avait beaucoup plus de petits noyaux cométaires que de gros noyaux cométaires. Et là, effectivement, ce que nous observons, c'est que c'est la même chose que dans le système solaire. Mais, au fond, c'est pas surprenant, parce que même si toutes les planètes semblent différentes des unes des autres et différentes des planètes du système solaire, les mécanismes qui conduisent à leur formation sont sans doute universels. Et là, la distribution en taille des noyaux cométaires est un traceur des mécanismes de formation, en particulier des collisions et des fragmentations des objets. Et finalement, ça nous dit que les processus de collision et de fragmentation qui font que des objets en cours de formation rencontrent d'autres objets, se collisionnent, se fragmentent en petits débris, c'est un processus qui est courant. Et finalement, la production d'astéroïdes, de comètes, est un sous-produit tout à fait normal des processus de formation des planètes. Et on poursuit ce journal, Natacha, avec l'actualité des sciences de la semaine et en ultra bref. Cette semaine, selon une étude parue dans la revue Nature, une sixième limite planétaire viendrait d'être franchie, celle du cycle de l'eau douce. À cause des interférences humaines dans le cycle de l'eau, l'humidité du sol est bouleversée et de plus en plus d'écosystèmes végétaux sont désormais en péril. Sur les 9 limites planétaires, seules 3 n'ont pas encore été franchies. Cette semaine, un rapport de l'ONU nous apprend que 40% des terres sont désormais dégradées sous l'effet de l'agriculture intensive, de l'urbanisation et de l'industrie d'extraction. Cette dégradation généralisée des sols affecte directement la moitié de la population mondiale. 70% des terres émergées de la planète ont déjà été transformées par l'humanité. Et enfin cette semaine, pour conclure ce florilège de belles nouvelles, la NASA a annoncé que le James Webb Télescope est prêt pour la dernière et ultime étape de préparation. L'alignement du télescope est terminé, il est capable de capturer des images nettes et bien ciblées. La mise en service des instruments scientifiques devrait durer encore 2 mois avant le lancement des missions scientifiques cet été. Et enfin, comme chaque semaine, vous l'attendez toutes et tous, on termine par la rubrique « Sciences improbables ». Avec cette semaine une prépublication parue sur le site Archive qui a estimé la puissance rectale des pingouins. Oui, ces chercheurs japonais se sont intéressés à la physique des déjections des manchots. Car ces animaux expulsent leurs excréments très loin, jusqu'à 1 mètre de distance, pour ne pas quitter leur nid. Alors dans ce papier, les chercheurs proposent donc un modèle pour estimer leur pression rectale. Ces informations sont utiles pour les gardiens de zoo afin d'éviter un contact avec les matières fécales. Je cite, selon les auteurs, la zone de sécurité à respecter est d'environ 1,34 m. Gardien de manchot, c'est donc un métier à haut risque. À très haut risque. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve lundi pour le prochain Journal des Sciences. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. Le rapport de l'ANSM sur l'Institut Hospitalo-Universitaire de Marseille dirigé par Didier Raoult fait état de graves manquements et non-conformités à la réglementation sur les recherches impliquant des personnes. En tout, ce sont 15 écarts à la réglementation en matière de recherche clinique qui ont été constatés, dont 8 sont critiques et 7 sont majeurs. Étonnamment, alors que le nom de Didier Raoult, directeur de l'IHU de Marseille depuis 2011, est associé à l'hydroxychloroquine et à l'épidémie de Covid-19, cette procédure d'enquête ne vise pas particulièrement la gestion des patients atteints de Covid par l'IHU, mais bien d'autres études et essais cliniques antérieurs à la pandémie. Sur quoi porte donc ce rapport et quels en sont les enjeux? On vous résume la situation avec ce montage d'archives qui vous est proposé par Olivier Bétard. C'est un grand chercheur, un grand professeur. C'est un grand professeur de dimension internationale. Le meilleur scientifique français reconnu sur la scène internationale. Il est celui qui a fait de la chloroquine l'éventuel remède miracle contre le coronavirus. Le 27 octobre 2021, après les révélations de Mediapart et de L'Express, l'Agence nationale de sécurité du médicament saisit le parquet de Marseille à propos des conditions dans lesquelles plusieurs essais cliniques ont été conduits. L'agence diligente une inspection au sein de l'IHU sur la prise en charge des patients atteints de tuberculose. 3 semaines plus tard, le 19 novembre, Mediapart révèle que des employés de l'IHU, à la suite d'une enquête diligentée par les autorités de tutelle, ont dénoncé les falsifications de leur patron sur l'hydroxychloroquine. Il avait suscité la polémique au début de la crise du Covid en faisant la promotion de l'hydroxychloroquine. Le professeur Didier Raoult et l'Institut Hospitalo-Universitaire qu'il dirige à Marseille sont aujourd'hui sévèrement mis en cause par les autorités sanitaires. L'Agence nationale de sécurité du médicament saisit la justice. Elle envisage des sanctions administratives contre l'IHU et l'assistance publique hôpitaux de Marseille. Une inspection menée en fin d'année dernière a relevé de graves manquements à la réglementation sur la recherche. L'ANSM s'est aussi penchée sur les traitements des malades de la tuberculose après des articles de presse et des accusations évoquant un essai clinique sauvage. Didier Raoult est à nouveau dans la tourmente. L'Agence nationale de sécurité du médicament dénonce de graves manquements à l'Institut marseillais qu'il dirige. L'IHU aurait en effet engagé des essais cliniques sans avoir obtenu la validation d'un comité indépendant, ce qui est obligatoire et se serait affranchi pendant des années de multiples règles pour mener des recherches sur des patients. Les règles éthiques n'ont pas été systématiquement respectées, ne permettant pas d'assurer la protection des personnes à un niveau suffisant. Et ces manquements sont nombreux selon l'ANSM. Par exemple, lors d'études cliniques sur la gastro-entérite infantile, une trentaine de prélèvements rectaux sur des enfants ont été réalisés sans le consentement des parents. Les derniers témoignages de certains membres des équipes de Didier Raoult qui expliquent qu'il y a eu des falsifications concernant les études sur l'hydroxychloroquine afin de démontrer qu'elle était efficace, et en soi, elle ne l'était pas. Mais en tout cas, ces témoignages montrent ce que nous avions révélé finalement déjà depuis le début de la pandémie, c'est-à-dire que dès 2017, il était question de résultats scientifiques biaisés au sein de l'IHU. Voilà pour ce résumé de cette enquête qui a été conduite par l'ANSM au sein de l'IHU de Marseille. Mathilde Fontaise, on a l'impression que c'est un peu l'histoire sans fin, cette histoire avec cette figure, ce personnage Didier Raoult qui revient régulièrement. Et chaque fois qu'on creuse un petit peu plus, on trouve un peu plus de fautes, d'erreurs. On peut peut-être rappeler la genèse de cette enquête. Tout est parti de lanceurs d'alerte anonymes qui ont contacté des journaux, L'Express, Mediapart. Quelles étaient les choses qui étaient pointées du doigt à ce moment-là? Ce qui était pointé du doigt à ce moment-là, c'était des mauvaises pratiques éthiques et des je me rappelle plus de l'histoire, vous allez m'aider de l'histoire précise, mais ce qu'on voit, c'est que on a une structure qui est assez spéciale, l'IHU, faut peut-être rappeler ce que c'est. Bien sûr. Qui est un centre d'excellence qui a été créé un type de centre de recherche assez spécial qui a été ébauché en 2009, hein, à la fin des années 2000 et qui a été inauguré pour celui de Marseille en 2018 et qui est un centre qui était un peu nouveau puisqu'il met les formations recherche et soins et qu'il était censé aussi amener des industriels. Et donc pour celui de Marseille, il a été confié à Didier Raoult qui à l'époque avait une grande notoriété et qui est tout à fait légitime d'ailleurs. Et c'est vrai que ce centre depuis un peu longtemps quand même a laissé penser à une mauvaise gestion. Il y a eu plusieurs épisodes en fait, même avant cela. Pour prendre un exemple, en fait, il y a eu par exemple une évaluation scientifique par le Haut Conseil d'évaluation de la recherche en 2018 qui a amené quand même le CNRS et l'INSERM à quitter ce centre de collaboration de recherche. Alors c'était plutôt pour des questions de qualité de sciences produites que pour des questions éthiques. Mais depuis le départ, c'est une structure dont on sent qu'elle fonctionne assez mal, sans pouvoir forcément identifier. Et on a l'impression que là, avec ce rapport de l'ANSM, on est en train de plonger au cœur de tous les dysfonctionnements. Et les deux, je crois qu'il y a deux dans le rapport de l'ANSM, je crois qu'il y a deux manquements qui sont pénalement répréhensibles, qui ont été notés, qui sont celui d'avoir procédé à des essais cliniques sans faire appel à un comité indépendant, petit 1. Et le petit 2, c'est carrément d'avoir falsifié des documents. Et après, derrière, beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la pratique éthique, qui est quand même très précisément encadrée, on comprend bien pourquoi pour la recherche. On voit bien que là, on est dans un système qui a été... Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on commence à comprendre, que c'est un système qui a été à tous les niveaux, en fait, un petit peu biaisé, un petit peu contourné. Toutes les règles ont été pas forcément appliquées. Et ça résonne, évidemment, avec tout ce qu'on a pu découvrir depuis le début du Covid. Depuis ses premiers essais. Ses premiers essais. Et avec la première chose qui m'avait soufflé à l'époque, quand on a commencé à s'intéresser aux pratiques de Didier Raoult, c'était tout simplement le nombre des publications qu'il avait signées. On rappelle, ce nombre, c'est 200 000. 200 000 publications, c'est juste totalement impossible. Il se rapproche de la personne la plus citée dans l'histoire de la science, qui est Bourdieu. Donc on peut penser qu'il n'a pas lu ses publications pour la plupart, qu'il n'a pas du tout été du coup à l'origine de ses travaux. Et on voit bien qu'il y a voilà, comme ça une personnalité, alors qu'il n'est sans doute pas responsable de tout ce qui se passe à l'IHU aujourd'hui, évidemment. C'est pas, mais on voit bien qu'on a comme ça... C'est assez choquant de voir à quel point, dans ce domaine précis des essais cliniques, de la santé qu'on sait sensible, l'exemple de l'essai sur les enfants est évidemment très choquant. Mais tout ce qui est fait est grave, en fait. Parce que ce que je rappelais en introduction de cette émission, c'est qu'on associe l'IHU, Marseille, Didier Raoult à l'hydroxychloroquine, à la recherche menée sur le Covid-19. Là, c'est des recherches antérieures à l'épidémie. Et ces essais cliniques, là, sur des médicaments des molécules testées chez des personnes qui ont des tuberculoses résistantes. Expliquez-nous un petit peu ce qui a été fait et quels sont les faits reprochés par l'ANSM à l'IHU. Ce qui est reproché, je n'espère pas me tromper, c'est l'utilisation d'un cocktail d'antibiotiques qui ont eu des effets secondaires, mais surtout avoir des effets secondaires dans un essai clinique, c'est dommage, mais ça peut arriver. Ça fait partie de la recherche, oui. Par contre, utiliser un cocktail d'antibiotiques dont on sait qu'il est potentiellement dangereux, il est noté comme potentiellement dangereux et qu'il n'est pas recommandé pour les protocoles d'essai clinique, ça c'est une faute. Et c'est comme ça qu'en fait la recherche est encadrée, bien évidemment que la recherche, ça, il peut y avoir des risques, et d'ailleurs même la prise d'un médicament pour se soigner, en dehors de tout cadre de recherche, il y a des risques, mais effectivement, tout le travail de la méthode scientifique, c'est d'avoir su contraindre ces risques, d'avoir su les évaluer en tout cas, et de pouvoir proposer des protocoles à des participants, à des études, en toute connaissance de cause. Et là, on voit bien qu'il y a un arrangement à tous les niveaux avec ces règles. On bricole. Philippe Pageau, l'ANSM a-t-elle réagi à temps dans des délais qui vous semblent rapides par rapport aux faits qui ont été dénoncés en 2020-2021? J'allais dire enfin, parce que c'est vrai que ça fait quand même extrêmement longtemps que ces dérives étaient dénoncées. Il y a eu quand même une sorte de sentiment d'impunité du côté de l'IHU qui fait que pendant très longtemps il s'est rien passé. Il a fallu effectivement toute ce, tout ce travail, tous ces lanceurs d'alerte, ces alertes de presse, pour que enfin l'ANSM saisisse du dossier. Et comme vous le disiez, comme disait Mathilde, c'est pas terminé. Il continue à regarder les études qui ont lieu entre 2016 et les essais cliniques entre 2016 et 2021. Là, ça, il y a des nouvelles études, nouvelles enquêtes qui sont diligentées, notamment par l'IGAS, hein, c'est-à-dire l'Inspection Générale des Affaires Sociales, qui a un pouvoir, lui, plus étendu que l'ANSM, mmh. et dont on se dit qu'il y aura effectivement des conséquences. Alors, je ne sais pas quel ministre de la Santé, je ne sais pas, traitera ça, est-ce que ce sera Olivier Véran ou son successeur, mais oui. En tout cas, peut-être qu'il a peut-être intérêt à attendre un petit peu que son, si c'est pas lui qui est renommé, voilà, que pour que ce dossier soit enfin pris en compte, parce que c'est quand même très grave. C'est au point où on citait tout à l'heure effectivement des publications qui sont pas d'un niveau scientifique reconnu, et c'est pour ça que le CNRS et l'INSERM s'étaient retirés. L'IHU et la risée et la recherche française par ricochet de la recherche internationale, puisque ces mauvais articles, on va dire, sont pris comme exemple dans les facs anglaises. J'ai vu un papier récemment là comme le type de choses qu'il ne faut pas faire. Vous voyez, donc c'est quand même c'est assez grave. En matière de Philippe Ajour, en matière de conséquences justement parce qu'on parlait, Mathilde Fontaise évoquait le fait que l'IHU était quand même un centre d'excellence qui était reconnu. Voilà, en matière de conséquences pour ce centre-là et puis pour les chercheurs qui ont conduit ces études et qui ont freint visiblement les règles éthiques liées aux recherches sur des essais cliniques, enfin voilà, quelles peuvent être ces conséquences aussi bien en termes général pour l'Institut que pour les chercheurs concernés? Alors, ce qui paraît clair, c'est qu'effectivement, ces essais cliniques qui sont faits sans autorisation vont être arrêtés. Hein. Il y a même, quand l'ANSM est venue faire des relevés, il y avait un essai qui avait été commencé sans autorisation qui avait encore cours. Pour vous dire à quel point les gens se sentaient intouchables, oui. Intouchables, ouais. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'évidemment, ces essais vont être arrêtés, et il y aura des conséquences judiciaires. Ça, effectivement, c'est plutôt l'IGAS qui va se saisir de ça. Donc ça, on peut pas encore savoir ce qui peut se passer, mais il va falloir que l'IHU reprenne, enfin, le nouveau directeur, celui qui va succéder à l'IHU, reprenne complètement ça en main pour essayer d'améliorer les choses. Sinon, ça va être difficile, en tout cas, je pense, pour l'IHU. Mathilde Fontaise, est-ce que vous avez suivi un petit peu les réactions du côté de l'IHU? J'ai l'impression qu'ils traitent encore ça un petit peu, une nouvelle fois, par le mépris, en disant que j'ai lu une tempête dans un verre d'eau. Quelle réaction ça suscite chez vous, ce genre de réaction, alors qu'ils sont quand même sous le coup de punitions graves et d'enquêtes qui sont accablantes, pour le coup? Je saurais pas juger finalement. Je sais pas ce que ça fait, moi, d'être dans une structure dirigée par des gens qui nous disent qu'on est les meilleurs du monde et que on est tout puissant, qu'on peut faire ce qu'on veut. Regardez, on n'a qu'à faire ça, on le fait. Et puis, il y a un côté petit village gaulois assailli. Je me garderais bien de juger les quelque part l'égarement un peu, ouais, dans lequel peuvent se trouver des gens dans cette situation. C'est ultra violent ce qui leur arrive. Ils avaient l'impression d'être dans un endroit où ils faisaient de la recherche de très haut niveau, et là, en 2 ans, tout s'effondre et ils se font assaillir de toutes parts. Donc humainement, j'imagine que ça doit être ultra violent, mais je trouve que c'est très important là ce qui se passe d'un point de vue du message que ça peut renvoyer aussi sur la même manière de faire de la science, et ça montre que déjà ça rappelle aux gens qu'il y a des méthodes, que les choses ne se font pas complètement à l'arrache, ça rappelle aux gens qu'on peut débusquer les problèmes, débusquer les abus, même dans une structure où tout avait été fait pour que, jusqu'au plus haut niveau politique, pour que ça reste préservé de l'introduction et des autorités sanitaires et de la justice. Finalement, ça commence à sortir. Et on sait que c'est très important, puisqu'on sait que la défiance vaccinale, par exemple, en France, elle venait de scandales. Enfin, oui. On sait que si elle est plus élevée en France que dans d'autres pays, c'est aussi lié à des scandales sanitaires, liés à des molécules et à des usages usages, des mauvais usages de certains médicaments. C'est hyper intéressant ce que vous dites justement sur ce questionnement que ça nous oblige à avoir sur notre rapport à l'éthique médicale, etc. Moi, ce que je veux vous poser comme question, c'est est-ce que ce genre de pratique, là, ça explose, c'est l'arbre qui cache la forêt. Est-ce que on peut se dire que dans d'autres centres, dans d'autres instituts hospitalo-universitaires, il y a des arrangements un petit peu avec des codes administratifs, des lourdeurs administratives qui pourraient être faits. Est-ce que c'est juste finalement une pratique qui pourrait être retrouvée ailleurs? Alors ça, je sais pas, mais c'est des questions qu'on peut se poser. C'est des questions qu'on peut se poser, des craintes qu'on peut avoir. Moi, je suis incapable de répondre à cette question. Je sais juste qu'effectivement, on parle beaucoup. On a bien en tête la pression énorme qui existe aujourd'hui en recherche pour produire des résultats, qui est une démarche presque comptable hein, du fait scientifique. On produit des faits scientifiques comme on produit des voitures dans des usines à une fréquence, une cadence très élevée. Et peut-être que ça, parfois, ça fait perdre un peu la tête. Je pense qu'aucun chercheur n'ignore les règles éthiques. Je pense qu'elles sont enseignées, très claires, établies, maîtrisées depuis des dizaines d'années. Mmh. Hein, enfin, donc, par contre, la tentation, évidemment, elle doit être énorme. Et voilà, il faudrait faire témoigner des. Enfin, j'imagine que ces témoignages ont déjà dû être livrés. D'ailleurs, il faudrait faire témoigner des chercheurs en fin de carrière et qui racontent juste le nombre de fois où ils ont dû résister à la tentation de vouloir aller plus vite. Cette hubris un petit peu d'être les premiers d'aller plus vite en se passant de certaines de ces petites règles. Oui, le parent m'a dit qu'il était d'accord, mais on lui fait pas signer le papier. La tentation doit être grande et sans doute que la pression est d'autant plus forte aujourd'hui. Philippe Pageot, sur cette question, voilà, est-ce que ce genre d'affaires nous reconfronte à des questions beaucoup plus fondamentales d'éthique médicale et de maintien de ces règles éthiques, de défense permanente de ces règles-là? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Mathilde. Hein. C'est vrai que c'est très important de conserver ces règles éthiques et même si la pression effectivement peut vouloir fasse peut-être pas des entorses aux règles, mais en tout cas qu'on prenne parfois des chemins un peu détournés. Mais j'ai l'impression quand même que les comités éthiques et les comités de sages, ce genre de choses est quand même plus fréquent aujourd'hui qu'il n'était peut-être il y a 30 ou 40 ans. Alors est-ce que c'est en réaction justement à des dérives de plus en plus fortes? Mais en tout cas, ces comités sont là, sont bien présents et c'est vraiment important qu'ils soient là. Et je pense que c'est une garantie, en tout cas, alors une certaine garantie avec des limites hein, que les recherches se font correctement et qu'on peut avoir confiance dans nos chercheurs. Une question qui se pose, c'est que voilà, on rappelle l'importance d'un institut de ce type-là. Est-ce que c'est envisageable vraiment qu'un institut de ce type-là soit interdit d'exercer des recherches? On peut se dire que voilà, si les personnes responsables de ces mauvaises recherches sont punies, toutes les personnes qui ont fait leur travail humblement et honnêtement de leur côté n'ont pas forcément à pâtir de ce genre de mauvaises recherches, Mathilde Fontaise. Oui, je me rends pas compte d'un point de vue juridique de ce qui peut attendre l'IHU. Mais oui, j'imagine qu'il y a une bonne partie des gens qui travaillent à l'IHU qui font leur travail consciencieusement et peut-être même qu'ils n'étaient pas du tout au courant. Sans doute que c'est l'horreur pour ces gens-là de voir leur nom sali et leur carrière entachée. Sans doute. Ouais. Philippe Pageot, même question. Est-ce qu'un institut de cette envergure-là peut être puni en étant privé de recherche? Je suis effectivement s'il y a plein de gens qui ont fait sans doute leur travail très très très honnêtement et on peut pas les punir. Après que le responsable soit puni, ça c'est tout à fait normal. Si les choses sont reprises en main avec des gens compétents, il y a pas de raison que il y a pas de la bonne recherche qui se fasse à nouveau. Alors peut-être pas tout de suite, ça va prendre un certain temps parce que effectivement la réputation de l'IHU en a pris un coup et c'est pas certain que des chercheurs de bonne réputation aient envie de venir se frotter à ça, mais on peut être confiant. Je pense que... Et puis là maintenant vient aussi le volet judiciaire, puisque une fois que la NSM a fait ce constat dans ce rapport, c'est maintenant le parquet de Marseille qui va suivre cette affaire avec, on le disait, des manquements qui peuvent être passibles de peines juridiques. Affaire à suivre donc. Restez avec nous parce qu'on va dans quelques instants ouvrir les pages de l'actualité scientifique, d'autres actualités scientifiques. On va parler d'énergie quantique, de plaquettes gravées au coin du feu à la préhistoire et de narcolepsie. Ce sera juste après ça. Got away with murder, maybe once or maybe two. Something happens in the morning when I can't see those failing eyes. I can't find a good word for you. Does it come as a surprise? I don't think we'd rhyme. I will wear you down in time. I will hurt you. I'll desert you. I am Jackie down the line. Said this Sally about a future before you bought off her as well. If all you want is entertainment, if you can't have it, you make hell. Don't make no one forget to be told. Jackie Down the Line par Fontaines D.C. dans la méthode scientifique sur France Culture. Nous poursuivons notre tour d'horizon de l'actualité scientifique avec vous, Mathilde Fontaise, et un dossier que l'on peut lire dans les pages du magazine Epsilon du mois de mai. Un dossier qui porte sur l'énergie quantique. Le mot quantique a quand même vachement le vent en poupe. Expliquez-nous un petit peu ce qu'est cette énergie quantique, ou du moins son principe. Le principe finalement, c'est la naissance d'une nouvelle science qui s'appelle la thermodynamique quantique. Ça fait super peur, thermodynamique quantique. C'est comme si on a collé les deux mots les pires du monde, hein. Donc la quantique, c'est cette science de l'infiniment petit, et la thermodynamique, c'est la science de la thermique. Et en fait, on a comme ça deux mondes qui étaient complètement séparés. L'un qui parle d'énergie, mais d'énergie qui va être celle d'une particule, en fait, et d'une énergie qui va pas circuler, qui va être comme ça contrainte et qui va pas communiquer avec le monde extérieur. D'ailleurs, les objets quantiques sont la plupart du temps tout à fait isolés pour pouvoir présenter leurs magnifiques propriétés quantiques qu'on connaît, hein, cette superposition d'états, cette intrication par-delà l'espace et le temps, etc. Et à côté, on a la thermique, et la thermique, elle est définie par essence, en fait, pour un certain volume, pour un certain nombre de particules qui, s'agitant, donne naissance à de la chaleur, et donc à là-dessus ont été donc formulées des lois, hein, au XIXe siècle, qui vont décrire la circulation de cette énergie, la transformation de cette énergie en travail pour faire fonctionner les machines, etc. Et en fait, comment est-ce qu'on emboîte ces deux théories-là? L'idée est venue du fait, d'une part, qu'on parle de plus en plus d'informations quantiques dans les laboratoires depuis maintenant 20 ans à peu près, 10 ans, de manière plus intense. Mmh. Et puis aussi, l'idée est venue parce qu'on construit aujourd'hui, on le sait, de plus en plus de machines quantiques. Donc il y a cet ordinateur quantique dont on entend beaucoup parler, qui n'est pas encore construit, même si on voit des prémices dans des laboratoires, y compris chez des grands industriels comme Google. Mais il y a aussi ces capteurs quantiques, par exemple, qui mesurent plus finement que des capteurs, on va dire, classiques. Il y a aussi ces communications quantiques qui commencent vraiment à être réalisées, cette cryptographie quantique, etc. Donc toutes ces techno-quantiques, en fait, le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est finalement elles sont déjà en train d'être construites, mais personne ne s'est jamais posé la question de les optimiser d'un point de vue énergétique. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a quand même un immense impensé de la physique en termes, quand on parle d'énergie quantique, c'est qu'on ne s'est jamais posé la question des échanges d'énergie à cette échelle et de ce que ça pouvait provoquer comme effet thermique. Et ce qui nous a amusé, nous, c'est que c'est exactement pareil que ce qui s'est passé au 19e siècle avec la machine à vapeur, où à l'époque, on a inventé une machine à vapeur, et puis ce n'est qu'après, en fait, qu'on s'est posé la question de son optimisation, de comment en tirer plus de travail, et qu'on a, enfin, que la thermodynamique a été inventée, que les lois ont été posées, et elles ont permis derrière, bah, quand même, de décrire, je sais pas, le climat, les réactions chimiques, en plus du fonctionnement de toutes les machines modernes. Et donc, c'est là qu'en sont les chercheurs aujourd'hui, en fait, ils en sont en train de se demander, OK, comment est-ce que l'énergie peut être, on va dire, conceptualisée même au niveau de la quantique. Donc c'est une tannée, hein, puisque en fait... On rappelle quand même que voilà, il y a quand même un changement d'échelle radical. À cette échelle quantique, donc à l'infiniment petit, qu'est-ce qui se passe et pourquoi la notion de température elle-même est un peu discutable, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on peut en dire de ça à cette échelle-là? On peut rien dire de la température à cette échelle-là, puisque la température, par définition, c'est l'agitation des particules. Et donc, il faut avoir un certain nombre. Et la théorie thermodynamique est une théorie qui fonctionne sur des statistiques pour un grand nombre de particules. Donc, du coup, on peut pas parler de température à l'échelle quantique. De thermodynamique quantique, même, c'est presque une contradiction dans les termes. C'est presque un paradoxe en soi de vouloir faire une thermodynamique quantique. Par contre, on peut tout de même essayer de s'intéresser à essayer de conceptualiser. Et c'est ce que les chercheurs nous ont répondu. C'est ce qu'ils en sont. C'est en train d'essayer de se mettre d'accord sur des concepts qui pourraient permettre de comprendre ce que peut être le travail, par exemple, le travail à l'échelle quantique, ce que pourrait être donc une circulation d'énergie à l'échelle quantique, ou même une entropie, on va dire, à l'échelle quantique. Et alors, en même temps qu'ils font des travaux théoriques comme ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils en passent aussi par l'expérimentation, par les machines. Et là, on voit poindre partout dans le monde hein, des petites machines quantiques. Donc, c'est des machines qui sont, c'est des machines microscopiques. C'est pas des machines qui fonctionnent forcément suivant des principes vraiment quantiques. Mais en tout cas, on essaye de faire des moteurs à un atome. On essaye de faire des batteries quantiques. Des frigos quantiques. On se pose des nouvelles questions. Voilà, il y en a une qui est amusante dans l'article qu'on donne, c'est combien est-ce que de qubits il me faut pour fabriquer un frigo quantique. Il faut sortir de la tête l'image du frigo qu'on ouvre la nuit avec la lumière qui s'allume. Et voilà. Il faut reprendre le principe de base du frigo qui est un cycle de Carnot inversé en fait, et c'est un principe de machine thermique assez classique. De toute façon, il y en a deux, il y a le moteur et le frigo en machine thermique. Mais partout dans les laboratoires, il y a plein de petites expérimentations comme ça, et la question en fait vers laquelle, en tout cas qui va dynamiser en ce moment le domaine et qui occupe un petit peu tout le monde, c'est celle de savoir si ces machines pourraient avoir un avantage. Alors cet avantage quantique, on a un temps parlé de suprématie avant de changer de mot, oui. Puisque ce mot-là a été connoté. Cet avantage quantique, on le connaît, il existe en calcul quantique, il existe pour l'ordinateur, c'est pour ça qu'il y a tant de travaux sur l'ordinateur quantique, on espère pouvoir calculer beaucoup plus vite certains, résoudre beaucoup plus vite certains problèmes grâce à l'ordinateur quantique, parce que on sait que ça a été prouvé d'un point de vue théorique par Peter Shor il y a longtemps. On sait que la quantique, les propriétés quantiques permettent de calculer différemment et plus rapidement, de résoudre plus rapidement certains problèmes. Est-ce que ce genre de petite pirouette quantique peut exister dans le domaine de la thermique? Est-ce que, par exemple, un moteur, parce qu'il serait intriqué, pourrait être plus efficace? Est-ce que, par exemple, une batterie, parce qu'elle serait en superposition quantique, elle pourrait se charger plus vite? C'est toutes ces questions qu'on se pose aujourd'hui. Qui sont vraiment, vraiment passionnantes, celles qui sont évoquées dans ce dossier d'Epsilon, puisque ça nous met face aussi à des vertiges de pensée. C'est là ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en fait, finalement, on pourrait tirer parti même du hasard quantique et en tirer une source d'énergie. Alors oui, ça c'est l'une des hypothèses vertigineuses, et c'est aussi l'une des incursions de cette... En fait, ça touche à l'endroit précis où arrive cette théorie. On a parlé tout à l'heure du fait qu'on avait un monde comme ça, de l'infiniment petit, et un monde macroscopique. Un monde macroscopique décrit par la thermique, un monde infiniment petit décrit par la quantique. Or, on sait très bien que nous, on est fait d'atomes. Donc pourquoi est-ce qu'on n'est pas quantique? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une continuité comme ça de phénomène? Il y a une rupture à un moment qui se passe, dont personne ne comprend rien, qui est évoquée depuis le début de l'invention de la quantique, sous la forme de ce problème de la mesure ou de la décohérence. Qu'est-ce qui se passe qui fait que quand on regarde, quand on touche, quand on mesure, ou quand on connecte à l'environnement un système quantique, tout à coup ses propriétés s'évanouissent? C'est là qu'intervient la thermodynamique quantique. C'est puisque c'est à cet endroit-là, en fait, où on commence à avoir l'émergence de petites fluctuations thermiques, à avoir un nombre qui grossit, un nombre de particules qui grossit, jusqu'à aller vers un nombre de particules suffisant pour avoir de la thermique. Et c'est cet endroit-là, précisément, que cible la théorie pour l'instant. C'est cet endroit-là qu'explorent certains chercheurs de l'Institut Nel, par exemple, comme Alexia Ofef, et qui nous a parlé de travaux théoriques qu'elle a réalisés et qui visent à s'interroger sur qu'est-ce qui se passe quand on mesure, justement, qu'est-ce qui se passe lors de cette décohérence. Et est-ce que finalement, il n'y a pas une circulation d'énergie lors de cette décohérence? Et cette équipe de recherche a pu mettre au point une expérience pour l'instant de pensée, elle n'est pour l'instant que sur le papier, même s'ils sont en train de la monter en laboratoire, et qui viserait à montrer ça, que quand on, avec le dispositif de mesure, on fait décohérer le système quantique, eh bien on peut tirer de ça une nouvelle forme d'énergie, une forme d'énergie différente qu'on n'avait jamais jusque-là théorisée, et qu'on ne peut théoriser que grâce à cette thermodynamique quantique. Alors ce qu'on comprend, c'est que en attendant, donc, la recherche fondamentale avance, et ça, c'est vraiment bien. Ça nous dit pas si la quatrième révolution industrielle sera quantique. Là, on est un peu tôt encore pour se tourner vers ce genre de conséquences d'envergure mondiale. Oui, mais en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que ces communautés de chercheurs sont assez, on est dans un mode un peu différent de la physique quantique telle qu'elle a été faite dans les années 80. Tous ces chercheurs sont vraiment tournés vers l'application. Tous ces chercheurs ont des connexions avec les laboratoires qui fabriquent des capteurs, qui fabriquent des ordinateurs quantiques, qui font de la cryptographie. Il y a vraiment une dynamique applicative dans ces travaux qui dynamise, je pense, beaucoup aussi tout ce qui est concept, etc. Derrière, il y a des grandes questions théoriques qui se posent. La thermodynamique quantique, on propose un deuxième article dans ce dossier qui ouvre de manière complètement, complètement ébouriffante. Ça promet de résoudre les grandes questions de l'écoulement du temps, la grande question de la gravitation quantique encore et sans Pitarel. Repenser même notre regard sur le réel. Enfin, c'est vraiment. Voilà. Donc, c'est vraiment un champ de recherche qui va vers le très fort théorique. Mais ce qu'on voit dans cette communauté de chercheurs, c'est vraiment ça. C'est vraiment toute une communauté qui est quand même si ce n'est tourné vers l'industrie, puisque c'est des tableaux de recherche publique là, généralement, mais tourné vers l'applicatif, avec des petites pépites de start-up qui éclosent partout. Ces vertiges du quantique sont donc à retrouver dans Epsilon ce mois de mai. On passe maintenant à un tout autre sujet. Restez réveillés et restez avec nous. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. On avance donc dans cette table ronde d'actualité et on ouvre les pages du magazine La Recherche avec vous, Philippe Pageot. Excusez-moi pour cette blague qui n'était pas si bonne que ça. Et on parle d'un sujet très sérieux, un article dédié à une pathologie qui est assez mal connue, la narcolepsie. C'est une pathologie qui a été décrite à la fin du 19e siècle et qui tient depuis ce temps-là la recherche en haleine. Expliquez-nous un petit peu, Philippe Pageot, rappelez-nous un petit peu brièvement ce que c'est que cette pathologie-là. Alors d'abord, effectivement, c'est d'abord une maladie qui a, comme vous disiez, qui a une mauvaise image, hein, qui est souvent véhiculée en disant que c'est de la flémardise, ces gens qui s'endorment d'un coup, puisque c'est une des caractéristiques effectivement assez typiques. On a mis dans l'article qui est écrit par deux chercheuses, Christelle Perron et Sylvia Melzi, en illustration, hein, Gaston Lagaffe, en forme de clin d'œil, en disant que Gaston Lagaffe, s'il s'endort tout le temps, c'est peut-être pas parce qu'il est flémard, mais c'est effectivement peut-être parce qu'il est atteint de cette maladie de la narcolepsie. Alors c'est quoi ces symptômes, cette maladie? Alors d'abord c'est une somnolence excessive dans la journée, un sommeil de nuit perturbé, des hallucinations à l'endormissement, et paralysie du sommeil, et dans certains cas, on appelle la cataplexie, c'est-à-dire une absence de tonus musculaire, tout d'un coup vous sentez vos muscles qui s'effondrent, si vous tenez quelque chose, si ça touche vos bras par exemple, vous tenez quelque chose et hop, vous lâchez. Est-ce qu'il y a des choses qui provoquent cette cataplexie, des situations de vie du quotidien qui peuvent provoquer cette perte de tonus musculaire? Alors tout à fait, effectivement, la cataplexie est déclenchée par des sensations inattendues, que ça peut être un rire, une surprise positive ou une blague, une blase, et ça donne ces crises de perte de tonus, de cataplexie, qui peut durer de quelques secondes jusqu'à plusieurs minutes. Et évidemment, si ça concerne tout le corps, c'est la chute. Mmh. Sur le symptôme de sommeil de nuit perturbé, alors une chose qui est effectivement le sommeil du coup est fragmenté avec des éveils assez nombreux, mais il faut noter que globalement un narcoleptique a le même nombre de sommeil qu'un sujet sain. Là, simplement, la répartition est différente. Et puis, il y a ces symptômes un peu secondaires qui n'arrivent pas tout le temps. Hallucinations, à l'endormissement, au réveil, donc avec des paralysies du sommeil. Aucun de ces symptômes en lui-même ne caractérise la narcolepsie, mais on va dire que ça va être un ensemble de ces symptômes qui va effectivement caractériser la maladie. Est-ce qu'il existe pour l'instant des traitements pour réduire les effets de ces symptômes? Là, quand on parle d'hallucination, j'ai lu en préparant cette émission que ça pouvait être percevoir la présence d'une personne dans une pièce au moment où on s'endort et l'entendre et la voir. Ça, c'est quelque chose qui est très angoissant, on imagine. Vous évoquiez également les paralysies du sommeil. Est-ce qu'il existe des molécules qui permettent de limiter ces effets-là? Alors, la chose importante à dire, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de traitement curatif, il n'y a que du traitement symptomatique. C'est-à-dire que ce qu'on arrive à diminuer, c'est tous ces symptômes que j'ai décrits, en combinaison avec une thérapie comportementale. Ça, c'est assez important. Donc, planification des courtes siestes dans la journée. Sylvia Melzi, justement, qui a coécrit cet article et qui a fait une thèse donc sur la narcolepsie, qui elle-même souffre de narcolepsie, c'est important à le dire. Dans son cas, elle dit deux courtes siestes dans la journée, une prise de médicaments pour bien dormir et une possibilité d'organiser son temps de travail lui permet d'avoir avec des personnes conscientes et bienveillantes, hein, d'être efficace et d'avoir une vie quasi normale. Hein. Il y a des personnages célèbres qui ont été narcoleptiques. Il y a la actrice Natasha Kinski ou Jimmy Kimmel, le présentateur de télé américain. On dit aussi qui ont été diagnostiqués tous les deux narcoleptiques. On dit aussi que Winston Churchill aurait été narcoleptique, mais ça, on n'en est pas sûr. Hein. Voilà. En matière de causes identifiées, là, si on en vient aux causes identifiées de la narcolepsie, quelles sont ces causes principalement identifiées? Alors justement, effectivement, là, il y a eu beaucoup de progrès en 20 ans. En fait, ça s'est déclenché en 98 avec la découverte d'une petite molécule qui a deux noms, qui s'appelle l'hypocrétine ou la lorexine, parce qu'elles ont été découvertes par deux voies différentes, et pour historiquement, on a gardé les deux noms. Et ce qui est intéressant, c'est que cette molécule, elle était absente, en fait, on a montré qu'elle était absente, en fait, des gens qui avaient dans le cerveau des gens qui avaient la narcolepsie, parce que ce qu'il faut savoir, elle est produite par une population de neurones située dans une région du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus, et c'est cette région qui joue un rôle fondamental dans la régulation des cycles de sommeil. Et donc, ce qu'on a compris, c'est que d'abord, ce qu'on a vu, c'était d'ailleurs Christelle Perron, la co-autrice de l'article avec son équipe, qui avait montré ça en 2000, que les cerveaux des patients narcoleptiques n'ont pas cette molécule, n'ont pas d'orexine. Et en fait, ce qu'on a commencé à comprendre, ce qu'on a fini par comprendre, c'est qu'il y avait une perte des neurones qui produisaient l'orexine, dans l'hypothalamus. Et donc, ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est effectivement pourquoi ces neurones sont perdus, qu'est-ce qui détruit ces neurones à orexine, ce qui déclenche cette maladie. Alors, est-ce qu'on a avancé, justement? Est-ce que la recherche a avancé depuis la découverte de cette perte de neurotransmetteurs, l'hypocrétine, l'orexine, appelons-la orexine pour être plus simple? Est-ce qu'on a découvert les causes de cette disparition-là? Alors, on a des indices, on a un faisceau d'indices qui range les chercheurs dans la direction d'une maladie auto-immune, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ce serait le système immunitaire qui identifie ce qui appartient à notre organisme et ce qui n'y appartient pas. Et quand ça n'y appartient pas, effectivement, le système immunitaire déclenche une attaque pour soigner. C'est comme ça que fonctionne l'immunité. Et parfois, il arrive qu'il mène une attaque vers nos propres organes. Et donc, une des hypothèses, c'est qu'effectivement, les neurones à orexine seraient attaqués et détruits par le système immunitaire. Ce qui nous fait dire ça aussi, c'est qu'il y a une prédisposition génétique qui a été mise en évidence. 98% des personnes narcoleptiques ont une mutation spécifique d'un gène qui s'appelle le gène HLA. Et par ailleurs, il y a des facteurs environnementaux, c'est-à-dire que chez les porteurs de cette mutation, la grippe H1N1 et un vaccin contre cette grippe, en Chine et en Europe respectivement, donc entre 2009 et 2011, ont augmenté l'incidence dans la narcolepsie. Donc ces deux facteurs, prédisposition génétique et facteur environnemental extérieur déclenchant, fait dire que c'est effectivement cette cause de maladie auto-immune. Cette mutation génétique qui a été identifiée, voilà. Du coup. Alors maintenant, le problème, c'est qu'il faut savoir effectivement comment ça se passe et comment on va réussir à comprendre pourquoi ces neurones sont détruits, comment ils sont détruits. Alors là, il y a beaucoup de pistes, mais surtout ce qui est intéressant, c'est le travail de thèse de Sylvia Melzi, c'était d'analyser ces neurones avec un nouvel outil qui s'appelle la transcriptomique sur cellule unique. En fait, c'est quelque chose qui prend des cellules et qui permet d'avoir la liste de tous les ARN messagers qui sont présents dans une cellule active. En gros, ça revient à avoir une sorte de livre d'instructions de la cellule, manuel d'instructions de la cellule. Et dorénavant, maintenant, depuis quelques années, avec les big data et les moyens de si on peut faire ça sur 10 000 cellules à la fois. Mmh. C'est ce qu'a fait Sylvia Melzi, et du coup ce qui est la recherche actuelle, c'est pouvoir comparer ce que font justement ces différentes cellules dans l'hypothalamus, tous ces neurones, et pour avec comme objectif de découvrir en fait là où les protéines qui servent de cible pour les lymphocytes et qui viennent détruire ces neurones à orexine et qui déclenchent cette maladie auto-immune, avec évidemment l'idée là de trouver un jour non pas des traitements symptomatiques, mais des traitements curatifs. Oui, parce que pour l'instant, ces traitements, ils ne sont que symptomatiques. Et ça pourrait éventuellement, ce genre d'approche aussi, être élargi à d'autres maladies. C'est ce qui est vraiment passionnant dans cet article qui est présent dans le magazine La Recherche ce mois-ci. Restez avec nous. Maintenant, on va du côté de la préhistoire. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. Et on finit ce tour de table par un retour en arrière. Nous sommes dans le sud de la France. La nuit tombe. La musique ne colle pas du tout à l'esprit préhistorique, mais c'est pas grave, la nuit tombe. Le feu crépite, quelques grosses bêtes rugissent au loin, et il faut bien le dire, on s'ennuie un peu. Alors, on grave des plaquettes de pierre. Jennifer Kerner, vous nous ramenez aujourd'hui plus de 10 000 ans en arrière. Décrivez-nous un petit peu l'ambiance sur ce site de Montastruc dans le Tarn-et-Garonne. Eh bien, à Montastruc, on a gravé des plaquettes de calcaire à l'époque magdalénienne, c'est-à-dire il y a à peu près 13 000, 12 000 ans. Et cet art sur plaquettes magdalénien, il est caractérisé par une gravure au silex avec beaucoup, beaucoup de figures animalières, particulièrement des chevaux, avec des figures qui se superposent parfois, dont on comprenait pas très bien pourquoi jusqu'ici, et qui sont utilisées lorsque l'on regarde les sites archéologiques avec les méthodes modernes, pas comme de simples œuvres d'art qu'on pose dans un coin, mais qui ont également des applications visiblement techniques. Mmh. On en fait par exemple des dallages de sol, on fait aussi des petites lampes portatives. Et puis, comme vous le disiez souvent, souvent on fait un tour autour du feu, tout simplement parce que quand on met des pierres autour d'un feu de camp, ça permet d'économiser le combustible. Voilà. Alors, il y a une étude de chercheurs britanniques, je crois, qui est parue dans la revue PLOS ONE, qui étudie ces petites plaquettes gravées qui font parfois la taille d'une feuille A4, de ce que j'ai lu, et qui représentent des animaux, des chevaux, des bouquetins, des bisons, un loup, des silhouettes même humaines. Quelle a été l'interrogation de ces chercheurs-là? Pourquoi ils ont décidé de se repencher dessus? Eh bien, ce qui nous étonnait beaucoup, c'est que sur ces plaquettes, nous avons des traces d'exposition au feu qui ont laissé des fissures, des fractures, mais surtout des modifications de la couleur de la pierre. Le problème, c'est qu'à la préhistoire, pour une pierre, il y a plein de raisons d'être mise près d'un feu. Mmh. Je vous citais les exemples tout à l'heure de plaquettes sur le sol, etc. Mais il y en a d'autres. Par exemple, pour faire cuire votre viande préhistorique, vous chauffez une pierre et puis vous faites comme une pierrade. Puis pour faire bouillir de l'eau, vous chauffez votre plaquette et puis vous l'acheter dans l'eau froide et ça vous permet de créer un bouillon gras, par exemple. Mmh. Donc l'idée, c'était de reconstituer ces plaquettes avec des répliques modernes, de les soumettre à différents scénarios possibles et ensuite de comparer les stigmates des répliques expérimentales aux stigmates des plaquettes archéologiques pour comprendre à quoi elles avaient réellement servi. Alors là, vous évoquiez des utilités très pratico-pratiques du quotidien, faire bouillir de l'eau, etc. Quelles autres utilisations sont envisagées pour ces plaquettes qui sont quand même, je le rappelle, gravées de motifs très beaux? Alors, il y a quand même une dimension esthétique à prendre en compte. Peut-être que ces plaquettes gravées ne servaient pas qu'à faire bouillir de l'eau. Alors, très certainement que non. En plus, l'art magdalénien est, c'est une histoire de goût, mais l'apogée de l'art paléolithique de la fin de la préhistoire et du paléolithique supérieur, puisqu'on est sur un art qui est un art de l'expressivité, du naturalisme. Donc, on a tous les détails anatomiques qui sont présents et on a même des véritables portraits d'animaux avec des émotions émotions qui transparaissent. Enfin, on les voit en train de hennir de colère, on les voit en train de s'échapper en bramant. On peut presque ressentir ce que l'animal représenté ressent à ce moment-là. Et ce qui est intéressant sur les tablettes de Montastruc, c'est que la présence potentiellement de ce feu qu'on avait diagnostiqué à cause des stigmates, eh bien, il n'était peut-être pas là par hasard, il était peut-être là justement pour mettre encore plus en valeur cette expressivité des sujets gravés, pour les rendre mouvants, pour les rendre émouvants et les faire paraître vivants. D'un point de vue de la recherche, comment les chercheurs du coup ont testé cette hypothèse-là de prémisse de l'animation et du dessin animé sur ces plaquettes-là du Magdalénien? Alors d'abord, il faut quand même dire que l'animation et l'art préhistorique, c'est une grande histoire d'amour depuis toujours, et ça fait des siècles qu'on l'écrit. Par exemple, dès l'Aurignacien, la grotte Chauvet, il y a 36 000 ans, on sait déjà traduire le mouvement. C'est notre grand spécialiste Marc Azéma qui a montré que 41% des figures animalières sont des figures en mouvement dans l'art paléolithique. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. On peut dessiner plusieurs lignes de dos pour suggérer l'ondoiement. Puis on peut multiplier les pattes pour faire comme une course, comme dans les BD de Goscinny, en fait. Hein. Et sur ces plaquettes de Montastruc, eh ben, on est dans la même lignée de cet art en mouvement. Sauf que là, pour animer le cheval, eh bien, on va faire confiance à la lumière vacillante des flammes du feu. Et comme bien sûr, vous imaginez bien qu'on ne va pas mettre des œuvres qui datent de 13 000 ans près d'un vrai feu pour vérifier comment ça marche, ben on a fait une modélisation 3D de ces plaquettes archéologiques et on les a placées devant un feu virtuel. Et grâce à un casque de réalité virtuelle, les archéologues ont pu s'apercevoir des véritables sensations et des véritables émotions que nos ancêtres ont pu avoir en observant ces plaquettes au coin du feu. Alors du coup, ça nous ramène toujours aussi à cette question sans réponse du pourquoi de cet art-là. Mais à chaque petite découverte de cette sorte, on revit un petit peu aussi cette période-là et on a des sensations que pouvaient avoir nos très très lointains ancêtres. Comment ce type de recherche, finalement, illustre l'évolution de la recherche sur l'art pariétal en général? Parce que là, on parle pas d'art pariétal, on parle d'art mobilier. Mais comment ça illustre cette recherche autour de cet art-là? Ce qui est formidable, je trouve, avec cet exemple, et c'est pour ça que c'est bien qu'on en parle dans cette émission, c'est que ça montre à quel point la méthode scientifique est importante pour les sciences humaines. Parce que nous, ça fait des siècles, ça fait des décennies qu'on sait que quand on promène une torche autour de l'art des cavernes ou des plaquettes gravées, il se passe quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience visuelle, de la tromperie du cerveau, d'une expérience quasi mystique sans avoir besoin de consommer des psychédéliques, tout simplement en étant dans un environnement lumineux et dans un environnement mystique au niveau du discours qui suffit très bien en fait. Sauf que on avait cette intuition parce qu'on a les mêmes cerveaux et les mêmes yeux qu'il y a 14 000 ans, mais en recherche scientifique, l'intuition, même quand elle est profonde et très puissante, elle ne suffit pas. Il faut faire la démonstration. Et cette étude fait enfin la démonstration de ce qu'on savait depuis plusieurs décennies. Et vive l'interdisciplinarité. Merci beaucoup Jennifer Kerner, merci beaucoup Mathilde Fontaise et Philippe Pajot de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Rapidement, en couverture d'Epsilon au mois de mai, Mathilde Fontaise. Une couve printanière ici n'était pas trop tard pour sauver le climat, ou au moins limiter les effets du réchauffement. Philippe Pajot en couverture de la recherche en avril-juin. Alors c'est la symbiose, les complexités d'interaction dans le monde du vivant à toutes les échelles. Et Jennifer Kerner, une actualité? Je serai dans la saison 2 du Vortex produit par Arte que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube du Vortex. On suivra ça avec plaisir. Un grand merci. Merci beaucoup à toute l'équipe de La Méthode Scientifique à la technique aujourd'hui. C'était Ludovic Auger. La Méthode Scientifique se retrouve sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. Et ça, c'est à l'infini.